Merci Mathieu Garrigou-Lagrange et à la semaine prochaine. Depuis sa fondation sous l'impulsion de Louis XIV et de Colbert en 1667, l'Observatoire de Paris a connu de nombreux et prestigieux directeurs, les Cassini, Arago, Le Verrier, qui découvrit Neptune d'après ses calculs, pour ne citer qu'eux. La liste est très longue, en plus de trois siècles, la liste des directeurs. Et voilà qu'après 353 ans, le directeur est enfin une directrice. Fabienne Casoli a été nommée à la direction de l'Observatoire le 30 janvier dernier. Elle prend le relais de cette institution centrale en France dans la recherche en astronomie, avec des projets comme Mars 2020, Solar Orbiter, les futures missions JUICE vers les lunes glacées de Jupiter ou encore le futur LISA, le détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Fabienne Casoli, la nouvelle observatrice, est notre invitée spéciale pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Fabienne Casoli. Bonjour. Mille merci d'être avec nous à ce micro pour votre première grande interview, entretien, conversation, dirions-nous, en tant que directrice présidente de l'Observatoire de Paris. On va parler évidemment de votre parcours, de votre carrière, de vos ambitions pour l'Observatoire et pour ses différents programmes. Mais pour commencer, comme chaque jour, eh bien, on fait le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Photonics et la découverte d'un nouvel état de la lumière. En physique, on sait bien que la lumière tourne autour d'un axe longitudinal parallèle à la direction que suit la lumière. La lumière, physiquement, ce sont des photons qui créent un champ électrique qui se propage sous la forme d'une onde. Ces champs électriques vibrent d'une manière ou d'une autre. Ce sont ces vibrations qu'une équipe américano-chinoise a cherché à contrôler. Les chercheurs sont parvenus à manipuler cet axe et ont réussi à faire tourner la lumière autour d'un axe transversal perpendiculaire à sa direction en forme de vortex. Pour mesurer ces vibrations temporelles d'un faisceau, ils ont travaillé avec des lasers pulsés qui envoient des impulsions lumineuses de l'ordre du femtoseconde. Selon les auteurs, cette découverte en recherche fondamentale offre de nombreuses perspectives et notamment pour de nouvelles applications optiques. Myriam Zerad est experte en photonique et ingénieure de recherche à Aix-Marseille Université, un institut Fresnel. L'idée, c'est de le contrôler pour générer des formes et des effets différents à l'intérieur du faisceau. Et quand on parle de vortex, on va le contrôler pour générer comme une spirale sur les propriétés de ce champ électrique pour qu'il puisse se propager d'une certaine manière. Et typiquement, donc, sur un vortex, ça va nous donner un faisceau qui se propage en ayant une forme de donut à la fin. Il faut imaginer que le champ électrique va se propager en tournant sur eux-mêmes et en suivant des donuts. C'est un peu comme si vous imaginiez un tire-bouchon, en fait, qui avance progressivement. Quand on le regarde tourner, on a l'impression que ça avance et la lumière va se propager comme ça en suivant ces formes de spirales qui avancent. Et là, ce que proposent ces équipes, donc à la fois chinoises et américaines, c'est donc de jouer avec cet effet-là, qui est un effet temporel, en y rajoutant un effet spatial par ailleurs, qui est que, en plus de contrôler ces vortex dans le plan qui se propage, on va les contrôler en faisant en sorte qu'à chaque instant, on ait un vortex différent. On ait une forme différente qui se propage. Donc c'est comme si votre tire-bouchon continuait d'avancer, mais en étant complètement déformé différemment à chaque tour qu'on fait. Et donc c'est effectivement des choses qui sont relativement nouvelles. Et la grande force qu'ils ont, c'est en plus, donc ils ont fait tous les calculs pour le démontrer, mais en plus ils ont pu mettre en place un système expérimental qui corrobore complètement les calculs. Enfin, pour l'optique, c'est essentiel, simplement parce que contrôler, mesurer, c'est à la pointe de ce qui se fait sur la génération de faisceaux. Sur les perspectives, en fait, c'est effectivement très intéressant parce que c'est à la pointe sur ce qui est création de sources lumineuses complexes, en fait, et de comment gérer les différents paramètres propres aux faisceaux lumineux. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Science, une clé pour arrêter le vieillissement chez l'être humain se trouve peut-être dans le killifish turquoise, qui est un petit poisson africain. Et cette espèce a la particularité de suspendre son développement et son vieillissement lors de changements saisonniers. Durant ce phénomène, appelé diapause, l'organisme diminue ses activités métaboliques. À l'état embryonnaire, le killifish turquoise peut rester en diapause pendant 2 ans. Ce qui est énorme quand on sait que cette espèce ne survit que quelques mois. Une équipe de l'université de Stanford aux États-Unis a identifié la protéine à l'origine de ce mécanisme, la protéine CBX7. L'augmentation de la production de CBX7 influence l'activité d'un certain nombre de gènes. Selon les auteurs de ce papier, une application de ce mécanisme sur le corps humain pourrait être possible. Et selon une étude parue dans le Journal of Energy Storage, des déchets de fruits et de certains fruits particuliers qui plus est pourraient servir de super condensateurs ultra rapides. Les super condensateurs ne peuvent pas stocker autant d'énergie que des batteries traditionnelles, mais ils peuvent se charger beaucoup plus rapidement. On fabrique déjà des aérogels pour les super condensateurs à base de déchets bio, comme la pâte à papier, la pastèque et la canne à sucre. Lors de leurs expériences, les chercheurs de l'université de Sydney constatent que le durian, un fruit très connu en Asie pour son odeur, pourrait être un chargeur électrique ultra rapide. Selon eux, les déchets de durian pourraient remplacer des matériaux de supercondensateurs coûteux tels que les nanotubes de carbone et le graphène, qui sont très utilisés pour les voitures électriques. Des batteries à base de durian pour qui est allé en Malaisie, ça va sentir mauvais dans les sacs à main et dans les poches. Merci beaucoup Natacha. On vous retrouve demain pour le journal des sciences et de la science-fiction. Fabienne Cazoli, je profite de votre présence parce qu'on n'en a évidemment pas parlé aujourd'hui, mais on a parlé de cette semaine de publications importantes autour de la mission InSight. 6 publications dans diverses revues du groupe Nature. C'est une vraie belle réussite française et une réussite qui est partiellement pilotée par l'Observatoire de Paris. Pas énormément par l'Observatoire de Paris, c'est l'Institut de physique du Globe. C'est l'Institut de physique du Globe qui s'en occupe. Oui, voilà, oui, d'accord. Bon, ce sont nos voisins, nos amis. mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que lors de mon passage au CNES, c'est un des projets que j'ai suivi de près pendant les hauts, les bas, les difficultés, la décision avec la NASA. Et je suis vraiment très très contente de voir que on produit de la belle science avec InSight et surtout avec le sismomètre qui a été entièrement développé par un consortium piloté par la France, le CNES et l'Institut de physique du Globe. Vraiment, très beau résultat pour une mission très difficile. C'est pour ça, effectivement, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux, c'est pas du tout l'Observatoire de Paris, mais c'était l'un de vos postes précédents, puisque vous avez justement présidé à ces choix de mission, et on va en reparler dans le domaine du spatial dans un instant. Voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir, Fabienne Cazoli, à ce micro. On va parler un peu justement de ce parcours, puisque vous avez été élue présidente de l'Observatoire de Paris, Université PSL, faut le préciser, puisque c'est un regroupement, un consortium universitaire, Paris Sciences et Lettres. C'était le 30 janvier dernier. Vous allez prendre vos fonctions le 13 mars pour un mandat de 5 ans. C'est une institution que vous connaissez plutôt bien parce que vous y êtes déjà passé à plusieurs reprises. Vous avez été notamment vice-présidente du conseil scientifique entre 1999 et 2001. Et alors, première question qui sera la plus simple et certainement la plus compliquée de toutes. Quelles sont les premières choses qui viennent à l'esprit quand on se retrouve d'un seul coup à la tête d'un bel organisme de recherche comme l'Observatoire de Paris ? Alors, on s'y retrouve pas par hasard. Bien sûr. Normalement, c'est un processus qui dure depuis plusieurs mois, après une longue réflexion. La question, c'est par quoi est-ce qu'on commence ? Qu'est-ce qui est le plus important ? On est assailli par une multitude de petits détails à régler, de prise de fonction, de mise en route des conseils de l'établissement, de mise en route de l'équipe. Et c'est là qu'on se dit, mais il faut pas perdre de vue les dossiers les plus importants. Il faut pas se laisser embarquer dans le quotidien. Et il faut se dire, bon, voilà. Qu'est-ce que je fais d'abord qui est le plus important et qu'est-ce qu'on attend de moi, puisque clairement il y a une attente. Il y a une attente autour de la science, autour de la stratégie scientifique, une attente autour de la formation, de l'enseignement, et puis une attente autour du quotidien des personnels de l'Observatoire, améliorer leurs conditions de travail. Et c'est peut-être le plus difficile, parce que parfois les dossiers n'avancent pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Et puis il faut aussi aller voir les partenaires, se présenter, et voilà, on travaille avec, en particulier à l'intérieur de l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc j'ai participé hier à mon premier directoire de Paris Sciences et Lettres, pas en tant que présidente, mais accompagnant le président en titre. Donc c'est très intéressant. Donc voilà. Comment ne pas perdre de vue ce qui est important et puis garder une certaine bonne humeur face à la multitude de choses qui s'annoncent. Et puis venir parler justement de ses envies et de son parcours à la radio, ça fait partie aussi du job. Ça fait plaisir. Alors on parlera justement de ce qui est important et de la façon dont vous voyez tout ce poste, ce mandat, les programmes de l'Observatoire. Et puis il n'y a pas que les programmes, il y a aussi un travail de médiation scientifique, les personnels. On va discuter de ça dans la deuxième partie de cette émission. Pour commencer, on va revenir un peu sur votre parcours professionnel et votre carrière. Vous êtes normalienne, agrégée de physique, docteur astrophysique et astronomie de profession. Et voilà la question que je pose toujours, parce que c'est une question qu'on ne pose finalement qu'aux artistes et que j'ai longtemps posée à des créateurs ou à des artistes. Mais moi, je trouve qu'elle est passionnante pour les scientifiques. C'est la question de la vocation. Comment on est? Qu'est-ce qui vous a amené bien vers les sciences d'abord, vers la physique en particulier, puis vers l'astrophysique? Qu'est-ce qu'il y a? Un livre, une image, un film, une lecture, une personne? Qu'est-ce que ça a pu être, Fabienne Casoni? Alors, c'est pas une vocation. L'astronomie, pour moi, c'est pas une vocation de jeunesse. J'ai longtemps hésité entre sciences et lettres, parce que les deux m'amusaient, m'intéressaient. J'ai décidé de faire des sciences, bon, voilà, un peu, je sais pas si je dirais par hasard, mais en me disant que je pourrais toujours m'intéresser à tout ce qui était lettres, quand même. Et puis, j'ai commencé des études de physique, et c'est là que j'ai rencontré des astronomes qui avaient l'air de s'amuser, je le dirais franchement. Ce qui me motive, enfin, ce qui motive, je pense, la plupart des scientifiques, c'est, bon, s'amuser, c'est peut-être un terme un peu léger, mais c'est l'envie. Le défi, la connaissance, c'est de pas savoir forcément le matin ce qui va se passer dans la journée. C'était le côté dynamique qui m'a plu dans ces astronomes que j'ai rencontrés. Mais c'était, j'étais déjà en licence, hein, c'était 3 années après le bac. Et je me suis dit, oui, il y a vraiment plein de choses qu'on comprend pas en astronomie, donc ça vaut le coup d'y aller. Et alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, un certain temps après, en fait, il y a toujours plein de choses qu'on ne comprend pas. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire en astronomie, même si on a compris beaucoup de choses. Je me suis laissé dire qu'au départ, vous aviez des rêves d'archéologie. Oui. Ou de vétérinaire. Oui, bon, vétérinaire, je pense que c'est une phase par laquelle passent beaucoup de jeunes filles à un certain âge. Je me suis laissée décourager pour vétérinaire. On m'a dit, oh, tu ne te vois pas quand même aller faire véler des vaches. Et je me suis un peu laissée décourager par ce genre de remarques stupides. Et après, je me suis dit, non, mais il ne faut pas se laisser faire. Et c'était trop tard. Non, mais bon, je ne regrette pas vétérinaire. L'archéologie, j'ai lu un livre quand j'étais petite qui s'appelait « La Bible arrachée au sable ». Et ça m'avait beaucoup plu. Je l'ai relu depuis... pas si terrible que ça, ce livre. Voilà. Puis, je suis passée par différentes phases. Pilote d'avion aussi. Hein. D'accord. Voilà. Vos travaux universitaires sont dirigés par quelqu'un qu'on a beaucoup reçu ici, qu'on aime énormément, vraiment. C'est Françoise Combes. Comment s'est dirigé ce parcours universitaire? Vers quoi êtes-vous allé? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Alors, Françoise Combes, ça fait partie des personnes que j'ai rencontrées et qui avaient l'air de s'amuser à faire de l'astronomie. C'était aussi une de mes enseignantes. Je vais quand même vous dire une petite anecdote sur Françoise Combes. Elle était célèbre pendant ses cours parce qu'elle ne prenait pas le temps d'effacer le tableau blanc, ou le tableau noir peut-être. Donc elle commençait par le remplir avec une craie d'une certaine couleur. Et puis après, elle prenait une autre couleur et puis elle écrivait dessus. Bon, voilà. Ça n'a pas dû arriver souvent, mais donc elle avait la pêche. Elle a toujours la pêche. Ouais, elle a toujours la donc pêche. Ça donnait envie. Et ce sur quoi elle travaillait, ce qu'elle m'a proposé comme sujet de thèse, c'était des observations dans un domaine qui était débutant en France, des domaines donc en radioastronomie millimétrique. Donc on observe le ciel aux longueurs d'onde millimétriques. Et en France, on n'avait pas de télescope à l'époque. Où on avait aussi un petit télescope de 2,50 m à Bordeaux sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, mais sinon on allait observer aux États-Unis. Et donc, c'est avec ce côté un peu pionnier de développer un domaine qui était vraiment amusant. Donc, je crois que j'ai fait des observations sur tous les radiotélescopes de la planète, sur les millimétriques. Donc, il y avait ce petit télescope à Bordeaux, aux États-Unis, en Suède. Et puis après, on a commencé à avoir l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, avec un premier grand télescope en Espagne, le plateau de Bure, l'interféromètre. Et puis, quand j'étais au CNRS, plus tard, j'ai participé à la mise en route du grand projet ALMA, qui est maintenant en opération au Chili. Donc je crois que j'ai vu tout depuis le début. C'était, mais bon, donc ça s'est commencé par cette rencontre où on pouvait défricher un domaine. C'était ça qui était amusant. Et vous avez fait deux thèses, c'est ça? Oui, alors ça c'était la pratique à l'époque. On faisait une thèse de troisième cycle qui durait 3 ans, ouais. Et une thèse d'État qui durait un peu plus longtemps. Voilà, après ça c'est heureusement la pratique s'est perdue parce que ça n'avait pas vraiment de sens. Et le sujet exact de votre thèse avec Françoise Combes, Alors c'était sur la structure spirale de notre galaxie et la formation d'étoiles dans les nuages moléculaires. Voilà, c'est ça. La question étant, pourquoi est-ce que dans les galaxies en forme de spirale, donc celles qui ont des bras spiraux comme même Messier 51, pourquoi comme est-ce que... Comme la Voie lactée. Nous, on observait plutôt la Voie lactée. Pourquoi est-ce qu'on observe qu'il y a beaucoup d'étoiles jeunes dans ces bras spiraux et que le reste, c'est plutôt des étoiles vieilles? Qu'est-ce qui fait se forme des étoiles dans ces bras spiraux? Donc, j'ai commencé par observer dans notre galaxie et puis avec l'amélioration des moyens d'observation dans d'autres galaxies, la première étant la M31, la galaxie d'Andromède. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement, du coup, Fabienne Cazoli, après cette thèse, puisque vous allez assez vite à passer de la recherche à la gestion de la recherche, en fait? Alors, j'ai continué un certain temps à essayer de faire les deux. Mais il s'est passé surtout que j'ai eu l'impression qu'on pouvait faire avancer la recherche de différentes manières. J'entendais des gens autour de moi qui me disaient « Ah oui, les gens qui font de la gestion de la recherche, ils comprennent rien à la recherche, c'est pas des scientifiques. » Je me suis dit « Chiche, allons voir !» Mais essayons de rester scientifiques. Voilà, c'était ça l'idée, qu'on peut aussi, avec un esprit de scientifique, participer au choix des projets, travailler à l'international et monter les choses. Et du coup, il s'ensuit bien pas mal d'établissements très prestigieux. Hein. Vous passez par l'Institut national des sciences de l'univers au CNRS, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, et vous devenez directrice adjointe de la direction de l'innovation des applications et de la science au CNES. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous commencez à vous intéresser à gérer des portefeuilles de missions spatiales. Exactement, oui. Alors j'avais une petite expérience du spatial puisque j'avais été directrice de l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, où quand même on développe pas mal de missions spatiales. À l'époque où j'étais directrice, c'était la mission Planck. C'était l'instrument principal de la mission Planck qu'on était en train de terminer. Donc c'était pas une petite affaire. Mais au CNES, il s'agissait, si je dois résumer mon travail, d'essayer de prendre les rêves des scientifiques, leurs rêves de mission spatiale pour répondre aux grandes questions scientifiques et d'essayer de transformer ça en mission et en projet. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de rêves que de possibilités. Les aider à monter les coopérations internationales, puisque ça se passe d'agence à agence, CNES, ESA, NASA, les Japonais, les Indiens, les Chinois. Et puis, si possible, suivre ça sur le long terme. Je peux vous dire que pour la plupart des missions spatiales, il y a quand même pas mal de crises. Il y a les crises normales, bon, ça va. Et il y a les crises qui sont vraiment des crises. Et ça, il faut savoir, à ce moment-là, tout lâcher et puis essayer de trouver des solutions. En général, on en trouve, c'est ça qui est extraordinaire. Comment ça se passe? Vous avez quelques souvenirs, parce que c'est vrai que suivre, développer, choisir, sélectionner les missions spatiales, on sait qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'appelés pour très, très, très peu d'élus. Comment se passe tout ce processus décisionnel? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un projet va jaillir? Évidemment, j'imagine que ce ne sont pas des décisions totalement solitaires, que tout ça se passe dans la collectivité et que dans l'échange et dans le dialogue. Mais racontez-nous un peu comment ça se passe, Fabienne Cazoli. À la base, il faut voir que on essaye de respecter les priorités scientifiques. Encore faut-il qu'elles s'expriment. Donc, une bonne partie du travail quand on gère un portefeuille au CNES, c'est d'animer des comités scientifiques pour leur dire, voilà, dans le contexte qu'on a, avec le financement qu'on a, qu'est-ce qui pour vous est prioritaire? Donc ça se passe au quotidien. Bon, il y a différents types de comités, on est très fort pour les comités. Le comité le plus important étant le comité des programmes scientifiques du CNES. Et puis tous les 5 ans, un exercice de prospective qui essaye de donner des perspectives à plus long terme. Après, là, on a quand même encore trop de possibilités. On essaie ensuite de mettre ça en face de ce qui se passe au niveau international. Certaines missions, on peut les développer en national. Il y en a assez peu parce que la plupart sont très ambitieuses. On essaie d'emporter un certain nombre à l'ESA. Là aussi, il y a un processus de choix. Ou quand on est vraiment on est sûr qu'une mission est importante, on peut vraiment peser. Ça s'est passé, par exemple, pour la mission de cosmologie qui va être lancée en 2021, qui s'appelle Euclide. Qui est une mission que j'ai suivie quasiment depuis le début. Et là, on savait que c'était une très grande priorité française. Et donc, je l'ai portée à l'ESA très fort. Et puis, il y a les coopérations avec la NASA, qui sont parfois décidées de manière politique. Enfin, on sait qu'il y a une volonté de coopération. Donc, on se dit, ben voilà, telle mission, tel projet qu'on a envie de faire, on va le proposer à la NASA, ou aux Indiens, ou aux Chinois. Et c'est là qu'on avance. Donc, il faut être un peu à l'affût de toutes les possibilités. Et du coup, vous avez, j'imagine qu'il doit y avoir des choix cornéliens. Vous vous souvenez d'un choix cornélien, de quelque chose où il fallait trancher et... Ça a été très dur entre Euclide et Plateau. Plateau, c'est une mission d'étude d'exoplanètes qui était aussi très portée par la France. La priorité de notre communauté scientifique, c'était Euclide. Donc, on a poussé Euclide. Euclide est passé en premier, mais Plateau se fait quand même après. Donc, voilà. Là, c'était un peu dur parce que franchement, entre la cosmologie, l'étude de l'univers et puis l'étude des exoplanètes, c'était dur. Mais c'était bon. On avait un choix clair. Mais les deux se font, donc c'est une histoire qui se termine. Oui, je pense. Très franchement, si on voit sur le long terme, les projets qui sont importants, ils finissent toujours par se faire. C'est une grande leçon. Il faut être têtu. Hein. Parfois, c'est une carrière entière, je pense, pour les chercheurs qui portent les projets. Mais la plupart finissent par se faire dans un cadre ou un autre. Et puis, de 2017 à aujourd'hui, vous avez coordonné un projet justement avec l'Observatoire de Paris, que vous avez suivi pendant 3 ans, qui est le projet de radiotélescope SCA et surtout le projet Nénuphar. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, sur le projet, alors il s'agit de radioastronomie, mais là il s'agit de radioastronomie basse fréquence. Donc pas millimétrique. Non, pas millimétrique. Là, on est plutôt dans le domaine de la bande FM, pour ceux qui écoutent encore la radio sur les ondes. Sur des postes de radio, il y en a beaucoup. Oui, voilà. D'ailleurs, on essaie d'observer en dehors de la bande FM, parce que là, c'est pas possible, il y a un peu de parasites. C'est trop de bruit. Pas de parasites, non, mais c'est du bruit structuré, hein. Il y a des messages. Donc c'est un grand projet mondial qui observe donc avec 2 sites d'observation, un en Australie, donc ce sont les basses fréquences, et puis un site en Afrique du Sud à des fréquences un peu plus élevées. C'est un projet encore, hein, avec un début de construction, mais pas encore complet. Et le siège est au Royaume-Uni. SCA, c'est Square Kilometer Array. Oui. Le projet débute en 2021, c'est ça ? Oui, la construction formellement débute en 2021, avec des premières observations, je dirais, vers 2024-2025. Comme c'est un instrument modulaire, c'est un interféromètre, voilà, on pourra observer assez rapidement, mais il ne sera pas complété avant, disons, 2027-2028. Alors, SCA, c'est un projet un peu compliqué pour la France parce que formellement, nous n'en sommes pas encore membres. Mais c'est très fortement soutenu par la communauté scientifique française. On espère une décision de participation française cette année. Donc, moi, ce que je faisais, il y a un projet SCA France. Hein, moi, ce que je faisais, c'est que je coordonnais la participation de l'Observatoire de Paris au projet Square Kilometer Array. Alors, c'est une science difficile parce qu'il y aura un volume de données vraiment énorme. Ça, on parle de données exascale. Hein. On a l'habitude des gigaoctets, des téraoctets un peu, mais les exaoctets, ça commence à devenir difficile à gérer et à transporter depuis les sites Australie, Afrique du Sud, vers l'Europe. Et puis aussi à cause de l'environnement radio qui est difficile avec tous les parasites. Donc ce projet est préparé par des précurseurs et des éclaireurs. Et Nénuphar est un de ces éclaireurs de SKA. Alors, c'est un projet qui a été porté par Philippe Zarca, que vous avez peut-être reçu. C'est lui le PI, l'investigateur principal. Et moi, je suis arrivée sur ce projet et puis je l'ai aidé à faire ce que je savais faire, un peu d'organisation, parce que j'ai de l'organisation au projet. C'est ce que j'ai fait au CNES. On a monté l'appel à programme clé, à programme scientifique, puisque les observations ont commencé à l'été dernier. On a 15 de programmes d'observation qui sont en cours avec 140 chercheurs intéressés, même si c'est un projet essentiellement français, la moitié de ces chercheurs sont étrangers. Donc on est très contents. Et puis un mot sur la science. C'est Nénuphar le projet français pour le coup. Oui, c'est Nénuphar. Nénuphar donc est installé à la station de radioastronomie de l'Observatoire de Paris, qui est à Nancy, en Sologne. Et puis les sujets scientifiques de Nénuphar, parce qu'il faut quand même parler un peu de science. Qu'est-ce qu'on va regarder avec Qu'est-ce qu'on regarde avec Nénuphar? On écoute plutôt. Même. Oui, oui. Bon, on le voit. Un peu les deux. Un peu les deux. On essaie de détecter l'émission radio d'exoplanètes, de planètes autour d'autres étoiles. Alors pourquoi l'émission radio? On sait que Jupiter, par exemple, dans le système solaire, est un émetteur radio extrêmement puissant. Et c'est parce qu'il interagit avec notre étoile. On essaie de détecter donc l'émission radio d'exoplanètes qui, elles, seraient des émetteurs. Il faudrait, pour qu'on il faut qu'elles soient vraiment très puissantes, plus que Jupiter. Hein. Et si on arrive à détecter cette émission radio, c'est vraiment, on va pouvoir étudier ce qui se passe avec leur étoile, et c'est tout un domaine d'évolution stellaire qui est d'évolution conjuguée étoile-planète qui est vraiment intéressant. Deuxième sujet principal, c'est l'étude des premiers temps de l'univers, ce qu'on appelle l'époque de la réionisation, quand l'univers est devenu à nouveau ionisé après avoir été neutre et que se sont formées les premières structures dans lesquelles vont se former les premières galaxies. Donc c'est vraiment une période qu'on connaît très très mal parce qu'en fait il n'y a pas de lumière qui s'en échappe. C'est pré-fondiflux cosmologique. C'est juste après. C'est donc formation, c'est quand même un peu après. C'est un peu après. Je m'emmène un peu les pinceaux, mais néanmoins, si vous voulez savoir ce que va devenir l'univers, on a reparlé un peu du modèle cosmologique standard, du modèle lambda-CDM. On en reparlait mardi en imaginant les scénarios possibles de la fin de l'univers. On en parlait avec François Hammer et Jean-Marc Bonnebido. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. C'était une discussion passionnante. spéculative, mais passionnante. Donc, cette époque-là, c'est un des grands sujets aussi pour SKA, pour le Square Kilomètre Array. Mais d'ores et déjà, on essaie de détecter une émission de cette époque avec Nénuphar, avec aussi un autre grand instrument auquel la France participe, mais qui est l'OFAR, qui est situé aux Pays-Bas avec des appendices dans différents pays, dont à Nancy, en France. Et puis le troisième sujet, ce sont les pulsars, l'étude des pulsars sous toutes leurs formes, pour de l'émission radio basse fréquence des pulsars. En particulier pour avoir une idée de la physique qu'implique l'observation des pulsars avec tout comme objectif de tester la relativité générale, la physique, de pousser la physique dans ses retranchements. Tout ce qui est objet compact, ça nous sert à ça. On suivra évidemment tout ça puisque c'est une aventure qui en est encore à ses débuts. J'aimerais évoquer autre chose avec vous, Fabienne Casoli, c'est que vous faites aujourd'hui partie de deux associations, Femmes et Sciences et l'AFDESRI, l'association des femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet engagement, il remonte à quand ? Femmes et Sciences, ça fait un petit moment que j'en suis membre. Je ne peux pas dire que j'étais un membre très actif, en particulier quand j'étais au CNES. Et je pense que maintenant, à l'Observatoire de Paris, je ne vais pas avoir beaucoup le temps de m'y intéresser. La FDSRI, ça c'est quand je suis partie du CNES et j'ai découvert cette association, je ne sais plus, par un mail que j'ai reçu. Et je me suis dit que les sujets qui étaient abordés étaient intéressants. À savoir, l'an dernier, le séminaire général de la FDSRI avait comme titre... Numéro 2, numéro 1, point d'interrogation. Mmh. Et pour moi, qui étais souvent dans des positions d'adjointe, de vice-présidente, de vice quelque chose, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas me poser la question d'être directrice ou d'être présidente? Ça a résonné. Et d'aller discuter avec les femmes qui étaient présentes dans cette association m'a fait réaliser un certain nombre de choses. Sur le sujet des femmes en sciences, c'était pour moi finalement une non-question jusqu'à il y a quelques années et j'ai eu une prise de conscience récente en discutant peut-être avec des jeunes en me disant que oui, il y avait une question. C'était pas si facile que ça d'être une femme dans un domaine scientifique. On portait tous des biais inconscients dans notre positionnement par rapport aux femmes, aux hommes. Je vous donne un exemple. Des grandes agences comme la NASA ont fait des tests grandeur nature sur les appels à proposition d'observation qu'ils reçoivent. Donc tous les grands télescopes fonctionnent par appel à proposition de temps. La NASA, elle a fait, je crois, sur les appels à proposition d'observation sur le télescope Hubble, qui sont très compétitifs. Et donc, l'idée, c'était de les anonymiser. Donc, en principe, les personnes qui sont rapporteurs, qui examinent ces propositions, ne savent pas si c'est un homme ou une femme qui porte la proposition, même s'il y a toujours une équipe derrière. Il apparaît que, avant d'anonymiser les propositions, les femmes qui portent les propositions ont 25% de moins de chances d'être acceptées. Et quand on ne sait pas qui porte la proposition, elles réussissent un petit peu mieux que les hommes. C'est quand même troublant quand on voit ça. Et c'est vrai, dès qu'on fait ce genre de test, on s'aperçoit qu'il y a ça. Et puis, je me suis aperçue, en réfléchissant à tout ça, que certaines des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle, peut-être qu'il y avait parfois un peu de difficulté à prendre en considération la parole des femmes. J'ai été dans des milieux très masculins. Quand vous allez dans un conseil à l'ESA, alors heureusement, il y a les pays nordiques qui sont extrêmement paritaires, mais les représentants des pays, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Donc, j'ai eu l'impression d'assumer pendant longtemps, et puis après, pour en particulier pour les jeunes, il y a quand même un sujet. L'astrophysique aussi, c'était un domaine où il y avait plus de du tiers de femmes dans des générations de femmes, disons plus un peu plus âgées que moi. Et on est maintenant toutes générations confondues en dessous de 25%. Et dans les recrutements, on est quand même plutôt moins que ça. Donc que ça diminue. Ça diminue. Ça va pas dans le bon sens. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pas possible. Il faut être dans un monde un peu plus mixte. Oui, parce que les chiffres officiels montrent que la part des femmes dans la recherche monte de 37 à 39%, mais avec évidemment d'importantes disparités en fonction des disciplines, d'importantes, d'énormes disparités en fonction des niveaux de responsabilité. Alors justement, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire, Fabienne Cazoli? Alors, agir à tous les niveaux, justement, pour ces biais inconscients, ces biais cognitifs qu'on a tous, dont il est très difficile de se défaire. Je sais que maintenant, l'ensemble des commissions de recrutement pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs reçoivent une formation de ce type. C'est récent, hein, ça date de cette année. Alors, est-ce que ça suffira? Je pense que ça aidera aussi, parce que c'est des choses qui défavorisent aussi tout ce qui est minorité, en fait. Hein. Travailler sur les représentations, par exemple, des conférences, les comités d'organisation, les comités scientifiques de conférences, les conférenciers. J'ai eu des discussions avec mes collègues au CNES qui ne se rendaient pas compte que quand ils organisaient une journée de l'innovation au CNES et que l'ensemble des présentateurs étaient des hommes, il y avait un problème. Et ils avaient du mal à réaliser qu'il y avait un problème. Donc, il faut faire attention à ça. Tout en chargeant pas trop les femmes, parce que quand on a 20% ou 25% de femmes dans une communauté, quand les comités, tous les conseils et tous les comités doivent être paritaires, ça les charge beaucoup. Donner des exemples, faire des lieux de parole entre femmes, où on peut s'exprimer, et c'est important, c'est une demande forte des jeunes qui se posent vraiment des questions. J'ai discuté avec des jeunes femmes chercheurs de l'observatoire, chercheurs ou comme ingénieurs. Certaines ont passé du temps à l'étranger et dans certains pays, c'est un sujet qui est vraiment ouvert, débattu. À nouveau, les pays nordiques, mais pas que. Hein. Je pense qu'aux États-Unis, c'est le cas. Des espaces de parole au sein des institutions? Oui. Oui. Alors, pas seulement des référents harcèlement, mais des lieux où on peut discuter entre femmes. Alors, dès qu'on arrive là, on se dit « Ah, mais pourquoi entre femmes? Pourquoi pas inviter les hommes ?» Oui, mais dès qu'il y a... c'est pas la même parole. Quand je pense à la prise de parole, c'est important aussi de... Alors, on constate, par exemple, que dans les conférences, bon, il y a une présentation, puis il y a toujours un petit temps de discussion. Si le temps de discussion est court, ça a été étudié par des sociologues, si le temps de discussion est court, c'est toujours les seniors... et les hommes qui prennent la parole. Et si on donne un temps de discussion un peu plus long, les juniors et les femmes prennent plus la parole. Donc, je pense que si on va vers plus de parité, ça sera aussi bénéfique pour tout le monde. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Après, à nouveau, c'est comment commencer. Mais d'abord, réaliser qu'il y a un problème. Et je dois reconnaître que pour moi, c'est une prise c'est quelque chose de récent. Peut-être alors deux choses, parce qu'il y a évidemment ce que vous décrivez sur le fait de discuter. Il m'est même arrivé à titre personnel, étant moi-même un homme malgré tout, de me retrouver discuter avec des jeunes chercheuses qui parlaient des conditions de travail en laboratoire et comment leurs travaux étaient réutilisés, parfois spoliés, enfin de manière et surtout avec une sorte d'unanimité. Alors ça n'a pas valeur sociologique, ce sont évidemment des exemples précis, mais de voir que beaucoup de filles chercheuses disent à un moment donné « Ah mais moi aussi, moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi on m'a pris mes travaux, on les a exploités, on a mis une signature dessus et j'avais qu'à me taire ». C'est des pratiques qui existent encore et je parle de gens qui, de personnes, de chercheuses qui sont des gens qui sont dans la recherche depuis peu de temps, c'est-à-dire des jeunes générations. On a l'impression que la société est tout de même un peu en train de changer sur ces questions-là, mais il y a peut-être quelque chose à faire, une incitation initiale. Le rôle des institutions scientifiques là-dedans, quel peut-il être, à votre avis, Fabienne Cazoli? Alors, les institutions se sont pas mal emparées de ce sujet, notamment le CNRS, je pense que les autres organismes. Le ministère a une action assez volontariste, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation a une action assez volontariste sur le sujet. Ça n'empêche qu'on doit travailler à notre niveau. Alors, on parlait de s'approprier les travaux des femmes. J'ai pas d'exemple si évident que ça, mais dans beaucoup de discussions, de comités, de commissions, quand on est attentif ou attentive, on s'aperçoit qu'une femme fait une proposition, un homme la reprend, et c'est devenu la proposition de tous les hommes de la réunion. Et ça, si on n'y fait pas attention, on ne réalise pas que ça arrive très souvent. Donc ça, il faut en discuter de manière ouverte avant et être prêt à le signaler, par exemple. Hein. C'est très frustrant une fois qu'on s'en est aperçu. Ça c'est le mansplaining, une expression qui est récente, mais un phénomène qui, je pense, est assez ancien. Donc, à tous les niveaux. Hein. Et je pense qu'au niveau de l'Observatoire de Paris, c'est aussi quelque chose qui visiblement est très présent. Je vous ai dit, l'élection à l'Observatoire de Paris, ça passe par une campagne, puisque c'est une élection, donc j'ai rencontré beaucoup de monde. L'élection au poste de présidence. Oui, au poste de présidence. Et cette question est revenue assez souvent. Alors, quand la question revenait, c'était facile de dire, bon, déjà, commencez par m'élire, ça fera un symbole, mais c'est un peu une pirouette de répondre comme ça. Je m'interroge sur le fait d'avoir, au-delà de, on a une référente harcèlement, on a une cellule de veille, mais est-ce qu'il faut que j'ai vraiment une référente parité? Peut-être. Mais à ce moment-là, ça sera forcément en liaison avec ce qui existe en particulier dans l'environnement de l'Université Paris Sciences et Lettres, pour que ça soit quelque chose qui soit un peu partagé. Un dernier mot peut-être à ce propos, avant d'évoquer l'Observatoire de Paris et l'impulsion que vous souhaitez donner à cette institution. Le 10 février dernier, une tribune était publiée dans Le Monde à propos de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche intitulée « Une réforme néolibérale contre la science et les femmes ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'impulsion suffisante au niveau du gouvernement, au plus haut niveau de l'État, justement pour aller à l'encontre de ces faits que vous décrivez? Moi, je sens une volonté au niveau du gouvernement. Maintenant, ça pose une charge sur les femmes, avec notamment tous ces comités qui doivent être paritaires. Donc ça, j'ai pas vraiment de solution. L'idée de « ah oui, mais on va faciliter les conditions de vie des femmes tant que la société est telle qu'elle est, pourquoi est-ce que ça doit être les femmes qui doivent avoir des facilités pour les gardes d'enfants et des choses comme ça ?» Moi, ça me choque un peu. Hein. C'est plutôt la réforme des retraites hein, qui semble assez défavorable aux femmes, je dirais, de manière générale. Et ça, il faut agir sur la carrière des femmes. Est-ce qu'il ne faut pas non plus arriver à avoir des mesures plus fortes? Et là, ce n'est pas du tout au niveau du ministère de l'Enseignement et supérieur de la Recherche, pour que l'éducation des enfants, ça soit paritaire. Ça, c'est quelque chose dont on parle depuis tellement longtemps. Et les avancées ne sont pas très fortes. Donc, je vois plutôt ça à ce niveau-là. Sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, Rover on Miranda and Titania, Neptune, Titan, stars can fry down. We'll be right back. Astronomy Domain de Pink Floyd sur France Culture. Il est question d'astronomie puisque nous avons la chance de recevoir à notre micro la nouvelle présidente de l'Observatoire de Paris, Fabienne Casoli. Alors, on va parler maintenant de vos projets justement pour l'Observatoire et puis en commençant par une visite et notamment de la célèbre coupole Arago. C'est la chance qu'a eu le camarade Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, c'est une chance et une joie de pouvoir visiter cette coupole sur les toits de Paris. On y accède un peu essoufflé après une ascension de nombreuses marches et une déambulation de chaque gouttière sur les toits de l'Observatoire, d'où l'on peut voir Paris et tous ses monuments. Quand on entre dans ce haut lieu de l'astronomie française, cette coupole blanche en cuivre, un peu mystérieuse avec ses hublots, on fait un véritable voyage dans le temps. Et c'est Nicolas Lesté-Lasserre, responsable de la médiation scientifique à l'Observatoire de Paris, qui nous fait faire la visite. Il nous parle de cette lunette emblématique qui trône sous la coupole et qui a été voulue par l'astronome François Arago. Et il nous raconte la genèse de ce patrimoine encore vivant, où l'histoire se mêle aux recherches actuelles. Voilà, rentrer comme dans un vaisseau de Jules Verne, c'est assez fabuleux. Ça reste un des endroits de l'histoire des sciences de Paris les plus importants, les plus beaux, les plus prestigieux pour vous. Alors, on est dans la coupole qu'on appelle coupole Arago. C'est le directeur Arago qui l'a voulu, qui l'a fait construire. Donc, c'est une des toutes premières grandes coupoles au monde. C'est une des toutes premières grandes lunettes au monde. Donc il y a cet aspect très dans son jus mi-19e voilà, et la lunette qui est là depuis 1856 et qui est un peu toujours dans son état originel. Bon, on a rajouté un petit peu d'électrification. Mm-hmm. 9 mètres de long, une lentille de 38 cm qui a été faite par les frères Henri, qui étaient d'excellents opticiens, astronomes opticiens à l'Observatoire. C'est une lunette qui a été conçue surtout pour observer, pas pour faire des découvertes. Bizarrement, c'est un gros instrument, mais c'est un instrument un peu pour le travail de routine. C'est pour observer les satellites de planètes connues, les astéroïdes, les comètes connues, pas pour faire une découverte de comètes, mais vraiment pour affiner la position des comètes, la course des comètes, les astéroïdes et les étoiles doubles. Elle a été beaucoup utilisée aussi pour observer les étoiles doubles. Alors la lunette, on peut la pointer dans n'importe quelle direction. Là, la monture la permet de même pointer l'étoile polaire si on veut. Voilà, y a aucune limite dans le pointage. Et après, la coupole tourne, c'est-à-dire il y a une série d'ouvertures qu'on appelle le cimier et qu'il faut faire tourner la coupole pour mettre le cimier dans la direction où on observe un astre. Il y a deux petites horloges sous la structure, au niveau du pied de la structure de la lunette. Que sont ces horloges? À quoi elles correspondent? Alors, le temps moyen et le temps sidéral. Le temps moyen, c'est notre temps habituel qu'on utilise. Et le temps sidéral, au lieu de prendre le soleil comme repère, on fait un tour sur nous-mêmes et on arrive au soleil en 24 heures. Là, on prend une étoile qui est à l'infini, on fait un tour sur nous-mêmes et on se retrouve en face de l'étoile qui est à l'infini. Et du coup, le temps moyen et le temps sidéral n'est pas tout à fait le même. Il y a une petite différence. Et ce temps sidéral, c'est une convention un peu théorique, utilisé par les astronomes pour simplifier les calculs de position d'étoiles. On s'affranchit de la position de la Terre autour du Soleil pour repérer la position des étoiles. Donc dans toutes les coupoles, parce qu'il n'y a pas que celle-ci à l'Observatoire de Paris, là c'est la plus grande, mais il y en a dans les jardins, il y avait plusieurs pavillons d'observation. Et dans tous ces pavillons, on retrouve ces pendules temps moyen, temps sidéral. Est-ce qu'on pourrait ouvrir éventuellement, même si c'est le plein jour et qu'il n'y aura pas un grand intérêt évident? Non, mais ça donnera de la lumière. Et l'ouverture des volets se fait toujours manuellement. Là, il y a une manivelle. Une chaîne et ça tourne. Et la lumière fut. Le ciel irrémédiablement gris de Paris se dévoile. Voilà, je crois que pour tous les astronomes qui viennent ici, qui viennent encore ici faire une observation occasionnelle, l'ouverture des volets, c'est toujours un petit moment émouvant parce que il y a beaucoup de bras qui s'y sont, qui y sont passés. Des bras prestigieux qui ont activé. Des bras prestigieux. Camille Flammarion, par exemple, a observé. C'était son premier travail d'astronome. Bon, il a très vite parti pour des choses plus individualistes, mais voilà, par exemple, il est passé ici, il a ouvert ses volets, il a utilisé cette lunette. Est-ce que aujourd'hui on peut encore se servir de la lunette Arago, de cette lunette historique ? Aujourd'hui, on s'en sert encore, principalement pour les étudiants, parce qu'au niveau recherche, il n'a plus grand intérêt du fait de la qualité du ciel de Paris, qui est très pollué au niveau luminosité. Mais il arrive quand même que l'Institut de mécanique céleste a des campagnes d'observation d'astéroïdes. Et si l'astéroïde est assez brillant, il peut être vu à cette lunette, donc ils peuvent faire un pointage, mais ça devient très rare. C'est surtout utilisé pour la formation des étudiants, pour faire de la manipulation sur gros instruments, s'entraîner au pointage, aux coordonnées. Voilà. On peut y mettre une caméra moderne si on veut, hein. On peut y mettre une caméra CCD, il y a un moteur parfaitement régulé maintenant pour le faire fonctionner, donc elle est en parfait état. Pendant que vous me parliez, la porte s'est ouverte, elle s'est refermée. Je crois qu'il y a le fantôme d'Arago qui vient de nous rejoindre. Si on doit envisager ce lieu-là, non plus sous l'aspect histoire scientifique, mais sous l'angle un peu plus patrimonial, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? L'observatoire, c'est une vieille maison avec des vieux murs et des vieux instruments. Il y a les parties modernes, ça c'est autre chose. C'est un patrimoine très lourd à utiliser parce que nous sommes dans l'utilisation des lieux, des instruments pour la plupart. C'est un patrimoine unique. C'était un grand monument du siècle de Louis XIV. Et c'était voulu comme un grand monument, pas seulement comme un observatoire. C'est un ensemble de patrimoine. On a une bibliothèque qui regorge de documents qui ont été accumulés par les astronomes et qui le sont toujours. Là, il y a une grande mission d'archivage des archives modernes. On essaie de classer et de préserver au mieux, ce qui n'est pas simple avec tous les outils maintenant d'écriture qui existent, digitaux et autres. Donc la mission patrimoine de l'observatoire est très compliquée à prendre en compte, à gérer. Ça demande des fonds considérables. Faire de la recherche et du patrimoine ensemble, c'est un challenge pour tous les présidents et présidentes de l'Observatoire de Paris. Donc j'imagine que Fabienne aura des mots à dire là-dessus. Voilà cette balade sous la fameuse coupole Arago de l'Observatoire de Paris. Fabienne Cazoli, quand on arrive et quand on va prendre les commandes de ce gros navire, c'est un gros navire l'Observatoire de Paris, hein, 850 personnes, plus de 200 chercheurs, sans compter les étudiants, les thésards. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait se concentrer, ne pas perdre de vue l'important. Alors c'est quoi l'important ? Alors, je vais pas vous refaire mon programme électoral avec les trois axes que j'ai développés. Je vous donne quand même les trois axes. Donnez-moi. Attractivité, stratégie et citoyenneté. D'accord. Voilà. Donc après, j'ai développé là-dessus. Bon, l'important, c'est la science. Pour commencer, parce que je pense que tout en découle. Mettre en avant la stratégie scientifique de l'Observatoire, d'abord la montrer. C'est assez difficile sur un navire, justement, qui est aussi grand. Parce qu'on fait quand même beaucoup de choses, et de se dire qu'est-ce qu'on fait vraiment bien, qu'est-ce qui est le plus important. Mais mettre en avant la stratégie scientifique, concrètement ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? C'est faire plus de médiation ? C'est au contraire recentrer la recherche sur des points, la concentrer un peu plus ? Parce que vous disiez qu'elle était un peu trop diffuse parfois, qu'il fallait peut-être trouver des axes majeurs ? Oui, alors c'est dire en quoi on se différencie des autres laboratoires. Bon, on est très gros, hein. L'observatoire, donc il y a 850 personnes permanentes, il y a 6 laboratoires de recherche, mais montrer en quoi on se différencie des laboratoires d'Île-de-France en astrophysique, les autres laboratoires en France ou à l'international, dire en quoi on est vraiment très bon. Et par exemple en quoi ? Eh bien, on est très bon, par exemple, en planétologie, en étude du système solaire, ça c'est clair. Je pense qu'on est très bon en tout ce qui touche à la physique fondamentale. On parlait d'horloge atomique tout à l'heure. Tout ce qui touche à la relativité générale. On n'est pas les seuls, mais on est très bon. On le dit peut-être pas assez. Je pense qu'on a des choses vraiment importantes qui se produisent à l'observatoire, en théorie, mais aussi en observation, sur tout ce qui est trous noirs, prédictions pour les ondes gravitationnelles, voire observations possibles d'ordre gravitationnel, par exemple avec le Grand Radiotélescope de Nancy. On est aussi très bon sur tout ce qui est naissance, formation, évolution des galaxies dans l'univers, et puis à nouveau l'interaction entre les galaxies et leur trou noir central, par exemple. Ça, c'est des questions scientifiques. Je pense qu'on a aussi une force, mais là on est peut-être moins spécifique, mais on a une force importante autour des exoplanètes, de la recherche de traces de vie dans les exoplanètes. Alors ça, il y a plusieurs volets là-dedans. Je citerai par exemple des choses liées à l'observation du système solaire. C'est les observations du système solaire, du système de Jupiter et de ses satellites glacés, qui vont être faits par la mission JUICE, qui partira en 2022. Jupiter Icy Moon Explorer. Voilà. Mmh. C'est quelque chose, ces satellites glacés, c'est un modèle pour certaines exoplanètes. Donc c'est très vaste, l'étude des exoplanètes et de la recherche de la vie. Vous pouvez en un mot, Fabienne Cazoni, nous rappeler justement en quoi va consister cette expédition. On en a parlé à ce micro, c'est une expédition passionnante parce que ce sont sous certaines de ces lunes glacées qu'on peut imaginer aussi éventuellement trouver des formes de vie dans les océans en contact avec de la croûte et du manteau. Ça va être quoi, JUICE, en quelques mots? Quels sont les choix qui ont été faits? Alors, JUICE va partir en 2022, une longue croisière, arriver dans le système de Jupiter, je crois, vers 2029. Des études, alors je pense que ça ne sera pas une mise en orbite autour du satellite Europe, mais des survols rapprochés, parce que Europe, c'est un environnement radiatif très très désagréable. Ganymède et Callisto. Donc effectivement, dans au moins deux des cas, on pense que sous la croûte glacée, il y a un océan qui est lui-même en contact avec du matériau rocheux. Donc quelque chose qui est très propice à l'apparition de la vie ou de molécules prébiotiques. Sur Europe et Ganymède, après. Oui, c'est ça. Et donc là, une fin de mission vers 2034. Encore quelque chose qui est très long comme échelle de temps. On est aussi impliqué très fortement dans les missions Plateau. Plateau, donc dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Ariel. Donc Ariel va plutôt étudier les atmosphères d'exoplanètes qui ont été détectées par ailleurs. Donc ça, ce sont des missions spatiales. Il y a aussi des programmes au sol. Et puis aussi des études théoriques. Parce que je pense que dans tous les projets de l'observatoire, presque tous les projets de l'observatoire, il y a cette gamme de compétences qu'on a qui va de la théorie jusqu'à la conception d'instruments. Et puis comme l'astronomie est une science d'observation, bien les observations et puis l'interprétation. Donc exoplanète, la recherche de la vie et puis les études sur l'origine de la vie. On est impliqué dans le cadre de PSL, de Paris Sciences et Lettres, dans un grand programme qui s'appelle OCAV, Origine et conditions d'apparition de la vie, et qui implique des philosophes, des historiens, des biologistes, des chimistes. Et ça, c'est vraiment un aspect intéressant, qui est plus fondamental sur l'origine de la vie. Il y a un projet dont on peut peut-être dire un mot, parce que c'est un projet qui est assez excitant, c'est le détecteur d'ondes gravitationnelles LISA, oui. Un interféromètre en orbite. Ça fait longtemps qu'on en parle et on se dit que c'est fou parce qu'on pourrait avoir accès à des ondes gravitationnelles beaucoup plus ténues et peut-être même, qui sait, le Graal du Graal des ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire celles créées par le Big Bang. Oui, alors... C'est la science-fiction qui parle un peu en moi, mais... Oui, alors, ce qu'on va certainement détecter avec LISA, ce sont des ondes gravitationnelles en provenance d'objets binaires, plutôt des trous noirs de masse stellaire, mi-binaires, des objets qui sont en train de tomber dans des trous noirs au centre de galaxies, et puis peut-être, effectivement, d'autres choses encore. Alors, LISA, c'est un projet qu'on étudie depuis assez longtemps, en Europe et aussi aux États-Unis, mais surtout en Europe, dont la faisabilité, je pense, est maintenant démontrée par l'ESA Pathfinder, qui était un prototype de l'ESA, qui a démontré que les technologies dont on avait besoin pour l'ESA, la plupart d'entre elles, en fait, on savait les développer et en fait, les performances sont nettement meilleures que celles dont on a besoin pour l'ESA. Après, ça ne sera pas une mission facile. En France, le projet est porté par un des laboratoires dans l'observatoire qui est associé à l'observatoire, qui est le laboratoire astroparticules et cosmologie. Mais il y a plusieurs laboratoires de l'observatoire qui sont impliqués dans le développement de ce projet. Je parle du développement au niveau instrumental, dont le laboratoire qui s'appelle le CIRT et d'autres. Et puis au niveau scientifique, de nombreux laboratoires, de nombreuses équipes sont intéressées. Alors au niveau scientifique, c'est difficile de motiver les équipes quand on parle d'un projet qui sera lancé en 2032-2034. Mais on essaie de leur dire, écoutez, il faut y être maintenant. Oui, ça fait très longtemps qu'on a envie d'y être. On commence et là maintenant, on est sûr que ce projet va se faire. Donc oui, je vais beaucoup pousser les équipes. Vous disiez, Fabienne Cazoli, quelque chose aussi qui a retenu mon attention. Vous expliquez que vous voulez donner plus de moyens aux chercheurs pour travailler. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez, qu'ils ne sont pas bien répartis, que l'Observatoire n'est pas assez financé. Alors, la recherche, de manière générale, ne peut pas dire qu'elle soit assez financée. Je crois que ça s'est vu dans la presse, dans les médias récemment, mais c'est quelque chose de récurrent. Alors, les financements, disons, ils existent, mais c'est devenu de plus en plus compliqué d'aller les chercher et de plus en plus chronophage. Donc, on ne peut pas passer son temps à aller chercher des financements. Il faut se focaliser sur les financements les plus importants et donner quand même à tout le monde les moyens minimaux de travailler. Ça n'est plus le cas. Et alors, comment on fait pour donner plus de moyens aux chercheurs pour travailler ? Alors, il faut qu'on les aide à aller justement porter leurs projets dans les grosses agences de financement, le plus gros, la plus gros, oui, au niveau européen, c'est qui est l'ERC, European Research Council, où là, on peut avoir levé des financements de plusieurs millions d'euros. C'est très sélectif, mais quand on gagne beaucoup. Et puis on est tranquille pour, enfin tranquille, on peut travailler tranquille pour plusieurs années. Donc ça, vraiment les aider à porter ces projets. À l'agence française qui est l'agence nationale de la recherche, qui est encore plus sélective finalement que l'ERC pour des montants moindres. Je pense qu'il faut vraiment les aider à monter les projets et puis leur donner un financement récurrent, enfin de fonctionnement normal. Mais on va chercher l'argent où à ce moment-là ? Alors l'Observatoire a des moyens qu'il peut répartir. Il faut que nous, on les répartisse de manière la plus simple possible, qu'on n'oblige pas les gens à faire des rapports interminables. C'est-à-dire retirer d'administratif. Oui, retirer d'administratif, ça ajoute pas de l'argent. Oui, mais ça ajoute du temps. Et le temps, c'est de l'argent dans cette affaire. Peut-être que justement, ils vont pouvoir se consacrer à chercher de l'argent important et pas à chercher des petites sommes. Alors ça n'empêche pas qu'il faut quand même évaluer, hein, mais les chercheurs ils sont évalués en permanence. Et tout à l'heure je parlais d'observation, d'aller demander du temps d'observation sur des télescopes. Tous nos chercheurs ont l'habitude, deux fois par an, d'aller demander du temps d'observation sur des télescopes. Et ça c'est souvent très compétitif. On gagne une fois sur cinq ou une fois sur dix. Donc c'est difficile. Voilà. Et puis les processus administratifs à l'observatoire, on va les regarder de près, voir ce qu'on peut simplifier. Alors on croit toujours qu'on va simplifier, mais parfois on y arrive. Simplifier la vie, donner plus d'argent, ça ne peut faire que plaisir à vos équipes de chercheurs et au personnel de l'observatoire. Oui, surtout donner plus de temps à la recherche. Et puis dans les grands débats, il faut qu'on porte cette voix. De dire arrêtez d'empiler les structures. Alors nous-mêmes aussi, nous sommes parfois responsables d'empilement de structures. On a beaucoup de réflexes quand on se dit, bon, allez, on va travailler sur telle chose, allez, on va mettre un comité en place. Vous êtes sûr qu'on va mettre un comité de plus en place? Il n'y en a pas un qui pourrait déjà servir. On a aussi un peu ce réflexe, hein, d'émietter, combattre ces réflexes-là. Un dernier mot pour conclure cette émission, Fabienne Cazolet. Vous parlez également de la médiation scientifique. Vous dites que c'est une responsabilité sociale. Ça veut dire qu'il faut que l'Observatoire de Paris ouvre plus et mieux ses portes au grand public? Oui, alors à plusieurs niveaux. J'ai repris dans mon projet le terme d'astronomie populaire, mais je pense qu'on a une responsabilité presque démocratique. Quand je parlais de citoyenneté aussi, c'est important. Alors c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on arrive à ouvrir plus souvent maintenant nos portes au grand public. J'espère qu'on va pouvoir le faire pour la semaine de la science en octobre, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert. Mais aussi au niveau des écoles, des enseignants, des professeurs. On a des programmes déjà importants, hein, pour recevoir et parrainer des classes par exemple. Je voudrais qu'on les dirige plus vers des publics un peu en difficulté. Et puis peut-être agir aussi avec... Des grandes institutions comme Universcience. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Fabienne Cazolet d'avoir été avec nous tout au long de cette heure et de nous parler de vos projets pour l'Observatoire de Paris dont on suivra évidemment l'activité comme toujours avec intérêt et bienveillance. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Huétard à la réalisation et Cindy Le Grumelec à la technique. Demain ce sera un vendredi fiction et rendez-vous avec le plus punk des réalisateurs de SF. Nous diffuserons l'entretien que nous avons eu la chance d'enregistrer au festival de Gérardmer avec Marc Caro, le dernier chevalier de la science-fiction cinématographique française, l'homme derrière Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, mais bien d'autres choses, des BD de métal hurlant, même de la musique bruitiste punk. Bref, ça va être passionnant demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.